Voici votre bulletin régional. Dans le cadre des activités de l'âge d'or de Chartierville, dîner de la fête des Pères le 11 juin à midi. M. Paul Nadeau m'informe que les 11 et 12 juin à 20h au Théâtre Granada de Sherbrooke sera présenté Dracula, la comédie musicale, dont les profits seront remis au département de musique de la polyvalente Louis-Saint-Laurent de Hastings. Cette production met en vedette des artistes locaux dont la majorité ont gradué en chant à l'école de musique de l'Université de Sherbrooke. La musique sera interprétée par l'ensemble avant du Haut-Saint-François. Ouverture des portes à 19h. Admission générale, 13 à 17 ans, 19$, 18 ans et plus, 24$. Les prix incluent les taxes et les frais de la billetterie. Tous les détails sur theatregranada.com et sur facebook.com/events/ 70 67 31 24 27 85 719. Au parc des Deux-Rivières de Hastings, du 11 juin au 27 août, les jeudis à 17h30, se donnera un cours de mise en forme intitulé « Entraînement nature HSF ». Coût, $80 pour 10 semaines. Inscription et information au 819-640-3734 ou au www.enformedelamaison.com. C'est le 11 juin à 18h30 au Centre communautaire Manège militaire de Bury que se tient l'Assemblée générale annuelle de la SADC du Haut-Saint-François. On y présentera les projets réalisés et les résultats des actions entreprises au cours de la dernière année. On nous rappelle que la boutique de la coop des artisans de Lingwick est ouverte les week-ends depuis la fête des mères, de 11 à 17 heures, et ce, jusqu'à l'action de grâce. Pendant les vacances de la construction, elle sera ouverte tous les jours. Pour plus d'informations, 819-877-5009. Il y aura souper-spectacle bénéfice pour le fonds Marc-André Skelling à 18h le 12 juin à la polyvalente Louis-Saint-Laurent de Hastings. Coût, $15. Information au 819-832-2471. Martine Sinclair est à la salle Guy Veilleux de Courchir le 13 juin pour son spectacle Les Femmes de Luc. Pour plus de détails, voir salleguyveilleux.com.